dans la tradition du folk sans mélodie. Un soldat de plomb et un roi maudit combattent tout ensemble pour la mère patrie, pendant qu'une bergère s'ennuie au pays. Dans la tradition du folk sans mélodie, le soldat de plomb y laisse la vie. Et si le roi revient, à peine meurtri, il prend la bergère et la met dans son lit. Dans la tradition du folk song mélodie, la reine se venge de son royal mari. Elle cueille quelques fleurs bien empoisonnées, et la bergère meurt à peine respirée. Dans la tradition du folk song mélodie, le roi repentant retourne chez lui. La reine est si belle qu'il faut lui pardonner d'être criminel, de l'avoir trop aimée. Dans la conclusion du folk song mélodie, le soldat de plomb et la bergère aussi s'envolent ensemble pour un paradis, pendant qu'une reine met bas ses petits.